c'est un pays magique où les gens prenaient le temps de vivre une vie romantique sans se demander tout le temps si une vie hors des élites pouvait exister vraiment. Dans ce pays magnifique, les gens existaient vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Une pomme bleue rouge comme l'azur. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ou un colibri né d'une morsure. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Dans ce pays authentique, les animaux étaient blancs. Et leur pelage magnifique étonnait tous les passants. Les gens étaient sympathiques, jamais ils n'étaient violents. Jamais il n'y avait de rixes, car les gens prenaient le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Une pomme bleue rouge comme l'azur. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ou un colibri né d'une morsure. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ce pays paraît utopique, mais il existait vraiment. Ces habitants jadis observaient nos comportements, abandonnant leur objectif d'enseigner à nos petites gens comment la vie peut être riche, tout simplement la vivant, vivant, vivant, vivant, vivant, vivant, vivant, vivant, vivant, vivant, vivant, vivant. Une fleur bleue rouge comme l'azur. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ou un colibri né d'une morsure. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et si la vie s'inscrit sur les murs, j'aurai comme seul bagage une fleur de nuage. Et si la vie s'inscrit sur les murs, j'emporterai comme seul bagage une fleur de nuage. Nuage.